Je suis venu dans le café au bord du fleuve, un peu vieilli, un peu blasé. J'ai mal dormi dans un hôtel aux chambres neuves. Je n'ai pas pu me reposer. Il y a des couples et des enfants qui marchent ensemble dans la paix de l'après-midi. Il y a même des jeunes filles qui te ressemblent dans les premiers pas de leur vie. Je te revois dans la lumière, dans les caresses du soleil. Tu m'as donné la vie entière et ses merveilles. Je suis venu dans le jardin, tu reposes, environné par le silence. Le ciel tombait, le ciel se couvrait de rose. J'ai eu mal de ton absence. Je sens ta peau contre la mienne. Je m'en souviens, et je voudrais que tout revienne. Ce serait bien, ce serait bien.